Bonjour à tous, il est 15h et bienvenue pour notre interview sur Tourcoing FM. C'est Vincent Chamary qui vous parle. Bonjour Dieu. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc nous vous réaccueillons ici pour l'épisode 2, on va dire, ou la deuxième partie de cette interview noire de Dieu. Interview noire. Pour interview seulement, vous savez. Ouais, enfin, on vous titille un petit peu quand même. Oh. Avec gentillesse, c'est pour ça que je reste. C'est ça. Donc, on va revenir sur la création, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Donc, on dit que vous avez créé l'homme à votre image. Bah, vous êtes témoin, je ne suis pas différent d'un autre. Tout à fait. Donc, comment vous expliquez toutes ces différences dans ces 7 milliards d'habitants qui pullulent sur cette terre pour le moment ? Bah, vous savez, c'est créer la vie, c'est comme créer une œuvre. Je cherche quelqu'un, mais voilà, prenez Hergé. Quand il a créé Tintin, au début, il a fait un petit bonhomme blond avec une coiffure, trois traits. Et en quelques traits, on devinait un petit personnage dans Tintin au pays des Soviets. Puis après, il a créé Capitaine Haddock, il a pris le professeur Tournesol, il a créé tout, il a créé la Castafiore, etc. Au début, j'ai créé Adam à mon image. Enfin, je pense pas que vous êtes de photos, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas, ou même de gravures, parce que déjà c'était compliqué. Lui, il n'avait pas forcément la fibre artistique, donc des autoportraits. Je pense pas que vous en ayez. Mais oui, Adam me ressemblait pratiquement trait pour trait. Après, j'ai voulu me diversifier. J'ai créé toutes sortes de personnes. J'ai créé un panel d'êtres humains. Voilà, pour pas qu'il n'y ait qu'une seule personne, parce que la diversité, c'est beau. D'accord. Et pour créer, vous avez d'abord, je suppose, commencé comme simple artisan. Ah oui, tout était fait main. Et du coup, plus ça allait, plus ça grandissait. Bah, comme j'ai dit, j'ai fondé une entreprise. Du coup, au début, on est tout seul. Puis quand ça commence à marcher, parce que ça a marché, ça marche encore, heureusement pour moi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, donc j'ai recruté des employés, je me suis modernisé. Donc voilà. Très bien. Et est-ce qu'on peut parler de vos comment dire, concurrents sur ce qui s'est passé au fur et à mesure des âges? Je veux bien parler de l'époque grecque, romaine, aztèque. Ah oui, alors ça c'est... Vous savez, quand j'ai créé l'homme et le monde et l'univers, j'étais seul. Puis vous savez, quand vous attirez souvent les jaloustés, et j'ai plusieurs personnes qui ont voulu me copier et... Donc oui, je conçois, je n'ai pas créé les Grecs, les Égyptiens, ni les Romains. C'est vrai, c'est d'autres collectifs. Voilà, c'est des collectifs qui sont venus pour copier mon travail. Donc voilà. Après, ça s'est débattu en justice. Hein. Et comme vous l'avez vu, les Égyptiens, etc., on n'entend plus reparler. Voilà. Je vais pas être méchant, parce que en plus, de toute façon, la décision de justice fait que je ne peux pas tout dire. Tout ne peut pas sortir de l'univers judiciaire. Mais voilà, ça c'est fini. Et pareil pour les Romains. C'est la seule différence. Là, on a réussi à avoir un accord commun. Les Romains ont fini par... J'ai fini par racheter la Théoracrité. C'était racheté. Ou c'était un acte d'OPA? Non. J'ai racheté le Panthéon romain, enfin le Panthéon, pas grec, mais enfin, vous me comprenez, c'est une façon de parler. Voilà. Mais voilà, les relais romains ont fini par m'appartenir. D'accord. Et quand vous nous dites ça, justement, que vous avez racheté, etc., et en ce moment, il y a d'autres concurrents sur place, je viens de bien sûr parler d'Allah, même si on ne sait pas à quoi il ressemble, ou Yahvé, Jéhovah, etc. Ça va peut-être faire du bruit, je l'avoue, comme ça, à l'antenne, c'est moi. Tout le monde. Tous, oui. Tous. Tout ce que vous pouvez appeler comme religion monothéiste, c'est moi. Du coup, c'est une tentative de fuite fiscale, ou non, comment non, ça se passe? Parce que là, parce que on... sans rien. On connaît pas, hein, Ala, etc. Ils ont pour c'est des entités différentes, c'est des entreprises différentes. Donc pour moi, c'est une tentative d'évasion Je me fiscale. suis diversifié, c'est tout. Et vous l'aviez pas dit au fisc comme ça directement. On l'apprend direct. La théocratie, hein, est plus compliquée là d'où je viens. À la base, il y avait des entreprises que j'ai diversifiées, donc je ne contrôlais pas tout, mais à la tête, c'est moi. Enfin, je suis Allah. Voilà, je suis Yahvé, je suis Jéhovah, c'est juste différents noms d'entreprise. Vous avez Nokia qui est en fait Microsoft, ou pas parler de technologie, on va dire Ferrero. Ferrero, c'est Nutella, c'est Kinder. Tout ça, c'est moi. C'est tout. Donc, je suis le Coran, je suis la Bible. Non, tout ça, c'est moi. C'est une seule et même personne. Et voilà. D'accord, très bien. Et on va revenir sur tout ce qui a été création et être humain et différence, etc. Et vous dites vous-même que vous aimeriez que humains soient tous égaux. Oui, C'est bien ça. sûr. Donc j'aimerais savoir que malgré tous vos pouvoirs, vous avez quand même envoyé des déluges, vous avez envoyé des sauterelles, vous avez envoyé des grenouilles. J'aimerais savoir pourquoi vous ne faites rien pour ces inégalités entre tous ces humains. Vous êtes compliqué. Voilà. Faut que je dise à un moment, le moment du déluge, vraiment, j'en avais ras-le-bol. D'accord, c'est le plus gros génocide jamais créé, c'est moi. Mais oui, à un moment, il y a un ras-le-bol. Vous étiez tous à vous chiquer la bourre, comme on peut dire. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Vous voyez les problèmes que vous pouvez avoir en ce moment, d'ailleurs, hein? Je suis en train de vérifier, c'est très compliqué encore. Et vous n'êtes pas loin d'un nouveau déluge. Mais oui, à ce moment-là, c'était ingérable. Enfin, il n'y avait pas un seul mec sur Terre ou qui violait pas trois femmes par jour. Si ce n'est plus, enfin, c'est une moyenne. Mais je vais pas revenir sur les problèmes avec les femmes parce que ce sont vos égales et je comprends pas comment vous avez pu partir sur des rapports de force. Enfin, Enfin, nos égales, je tiens à préciser que vous l'avez créé de la côte d'Adam, sous prétexte que sous prétexte que vous n'aviez plus de glaise. Je Oui, tiens à oui, oui. Bah, quand on commence, je l'ai déjà dit la dernière fois. vous Quand on commence une entreprise, c'est compliqué. Alors oui, maintenant, avec tout ce que je vois, c'est sûr, j'aurais fait autrement. Mais voilà. Je suis désolé, quand on n'a pas de glaise sous la main, bah on fait avec ce qu'on peut. Vous auriez préféré quoi? Un monde sans femmes ou le monde que vous avez avec les femmes? Alors, faut revenir sur ces inégalités, mais j'y reviendrai et je prévois de vous envoyer un message sous peu. Mais voilà. Et d'accord, très bien. Et pour revenir, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui sont plus moches que d'autres? Puisque comme vous l'avez créé à votre image, etc., je suppose que c'est des vilains employés qui savent pas faire. Quand vous Et qui récoltez vont des pas tarder à se faire virer comme les Quand vous autres. récoltez des pommes sur un arbre, il y a des pommes qui sont plus abîmées que les autres. Voilà. Alors, vous voyez, les êtres humains, c'est comme un pommier. Ouais, pour venir d'ailleurs à Adam et Ève, hein, les êtres humains, c'est comme un pommier. Il y en a des plus moches que d'autres. Et c'est comme ça. Je vais pas utiliser d'OGM. Voilà. Les humains sont sans OGM. Les humains sont de tout l'univers divin. Et je parle pas de l'univers que j'ai créé moi-même, mais de tout le panel divin qu'il peut y avoir dans d'autres univers. Parallèle, je suis le seul, ou si ce n'est le premier, à avoir créé un univers totalement bio. Voilà. Alors vous avez fini par contrecarrer mes plans, mais à la base, j'ai créé un univers bio, monsieur. Alors là, c'est une déclaration qui devrait rester Dans les de annales, raisonnable, oui. comme on dit. Notez-le, vous êtes bio. Très bien. Et on peut parler des lois divines ou pas? Les 10 commandements? Alors, entre autres, et surtout le fait que le sexe avant le mariage, tout ça. Je sens que vous êtes un peu à cheval sur le sexe. J'aimerais bien casser quelques murs sur ça. C'était une époque ancienne quand j'écris ça. Vous savez, Facebook ne... Et pourtant, on fait des fécondations in vitro, hein, je tiens à le rappeler. Facebook ne change pas ses conditions d'utilisation tous les jours. Je ne change pas les règlements que j'ai instaurés tous les jours. C'est très compliqué. Tous les jours, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Oui, mais c'est compliqué. J'ai d'autres choses à gérer. Vous voyez, je vais le dire. Alors, mes avocats m'ont pourtant conseillé de ne pas trop aborder ces sujets-là. Mais je suis pour l'honnêteté. Voilà. Il y a beaucoup de travail. J'ai donné un peu de lest, un peu trop de lest d'ailleurs, dans ma manière de diriger ce monde. Et je vous ai donné trop. Et vous n'en faites pas assez. Pour revenir au commandement divin, tu ne tueras point déjà. Hein, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Oui, parce qu'on a quand même fait des guerres entre en, oui, bah, sous votre nom. On y reviendra. Hein, on y reviendra. Je tiens à préciser juste un petit détail hein, sur ce « on ne tuera point ». Donc, vous nous avez avoué il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a quelques minutes, que vous étiez Allah oui. Et Dieu en même temps. Et pourtant, vous avez poussé j'ai essayé, j'ai essayé de faire passer les messages. Vous avez poussé deux peuples à s'entretuer. Si vous lisez un peu les textes, vous voyez qu'il y a des choses qui se ressemblent. Hein, je pense que c'était quand même si c'était un peu caché, c'était quand même facile à deviner. Alors, les guerres de religion, je pense qu'on y reviendra dans ces émissions. Oui, sous peu. Et aussi, on va vous avouer un truc, on a aussi invité votre fils pour quelques déclarations sur cette radio, parce qu'on aimerait bien éclaircir quelques sujets. Oui, d'accord. Ça sera pour une prochaine émission. Mais J'en dis pas plus, mais ouais. Donc voilà, donc les guerres de la région, on y reviendra, parce que franchement, faut en parler. Oui, ouais. Je suis d'accord, parce que moi aussi, j'ai des points à mettre sur les i et des barres sur les t. D'accord. Ouais. Et qu'en est-il, parce qu'on en parle toujours, guerre de religion, etc., et que vous choisissez de changer des choses, est-ce que tout ce que change le pape, c'est vous qui le dites? Alors, José, maintenant, donc, le pape François, non, moi je le connais d'avant, du coup, j'ai José qui vient tout de suite, mais oui. Je lui dis beaucoup, puis lui, ceux d'avant. Parce qu'on l'appelle quand même le vicaire du Christ. Hein. C'est quand même. Le Christ, c'est pas vous pour. Pour la petite anecdote, enfin, d'après les textes, hein, toujours les mêmes, hein, ceux que vous avez écrits, etc. Je préfère en parler quand Jésus sera là, mais parce que oui, pour ceux qui n'ont pas compris, on parlait de Jésus. Mais enfin, je pense que voilà, c'est facile à deviner. J'ai d'autres enfants, mais oui, Jésus est mon premier, et c'est lui qui conserve un poste, mais ce serait plus un dirigeant d'honneur, comme on dirait, un peu comme autrefois Jean-Marie Le Pen au Front National. Il était plus un peu dirigeant d'honneur de la chrétienté. Je préfère vraiment parler quand il sera là, parce que je n'ai pas envie de parler en dehors de son contrôle. Mais voilà, Jésus a pendant un temps, encore un peu, mais moins, parce qu'il a d'autres occupations, il s'est lancé dans la musique et dans l'audiovisuel. Du coup, voilà, il m'a dit qu'il avait du mal à assumer ses fonctions, du coup, voilà. Mais oui, pendant un temps, il a été, comme le pape a été, vicaire du Christ, voilà. Je suis à la tête d'une entreprise, vous savez bien, dans toute entreprise, quelle que soit. C'est la tête qui réfléchit et le corps qui agit. Oui, d'ailleurs, parlons-en, ça serait pas un petit peu du népotisme de mettre sa famille sur les postes importants? Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de promotion. Dites la même chose au groupe Bouygues Telecom. Voilà, monsieur Francis Bouygues et ses consorts. Toute la famille Martin est passée. Qui est maintenant. Oui, Martin, oui, j'ai toujours du mal. Mais dans chaque entreprise, il y a du, entre guillemets, népotisme. Je trouve que quand on dirige bien une entreprise, on n'a pas de remarques à faire à son dirigeant. J'ai donné toute ma foi à l'univers entier. Je pense que c'est un peu vache de me le reprocher maintenant. Alors, prenez ça pour du népotisme. Moi, je trouve que j'ai fait très bien mon travail. Voilà, monsieur. Eh bien, on va se quitter sur ces mots. pour une prochaine émission. Hein, on va conclure là-dessus. Parce que ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on est enregistré et que ces interviews ne devraient pas durer plus. Donc, on a une petite chanson de fin pour terminer sur une note de gaieté ou Une chanson. Bah. Voilà, je vais faire plaisir à certains de mes fidèles, mais pourquoi pas Aïcha de Khaled. Voilà, parce que je suis pour la diversité et voilà. C'est de la très bonne musique et je vois pas le problème. Ben d'accord, on va vous mettre ça tout de suite du coup. Parfait. Merci pour tout, Dieu, et au revoir à la prochaine fois. Au revoir, Vincent Jean-Marie. Au revoir. Comme si je n'existais.